l'euro, l'euro. À l'euro c'est bien beau. Euro, dollar, même bobard. L'euro, l'euro, l'euro. À l'euro c'est bien beau. Dollar, euro, même tableau. À l'euro c'est bien beau. À l'euro c'est bien beau. Même tableau. Une carte bancaire, ah, ça c'est super. Emprunter sur 20 ans, c'est épatant. Sur internet, ah, tu achètes ton univers. C'est ton computer. Euro. Euro. Dollar. Dollar. Euro. Euro. Dollar. L'euro, l'euro, l'euro. À l'euro c'est bien beau. Euro. À l'euro c'est bien beau. Dollar, euro, même tableau. C'est de l'argent dont tu dépends.